donc un peu les filles. Allez, marquez ! Ah ! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue ici sur l'antenne de RIG 90.7 de la bande FM et RIGFM.fr. Et puis évidemment, c'est l'émission Johnny de A à Z tous les mercredis de 22h à minuit. Je suis très heureux de vous accueillir à bord de cette émission et je vous ai concocté une petite playlist assez sympa, comme d'habitude, on va dire, hein, comme chaque semaine, du moins quand je suis là. Mais, mais cette semaine, ben voilà, cette émission me fait plaisir car on va découvrir l'album Solitude à 2. Solitude à 2, ce sera donc l'album de la semaine. Solitude à 2 est le 24e album studio de Johnny Hallyday. Il a été enregistré au studio 92 de Boulogne-Billancourt et réalisé par Eddie Vartan de avril à mai 1978 et il sortira dans le commerce le 21 juin 1978. La solitude a très souvent inspiré Johnny Hallyday et sa discographie compte nombreuses chansons du genre disséminées au gré de ses disques. Mais c'est bien la première fois qu'elle est le concept quasi unique de tout un album. Une solitude qui, ici, nourrit bien des émotions diverses et contradictoires. Tantôt tristesse, tantôt colère, c'est selon face A ou face B. Face A, composée de ballades, la face B, composée de titres rock et country music. Mais cette solitude n'est pas souffrance. Elle est, au contraire, un moment de pure jouissance, ce qui contredit le propos de l'album. On va découvrir tout au long de cette émission l'album Solitude à deux. Nous aurons des extraits de différents concerts de 1978 et nous aurons également des extraits du Grand Échiquier dont l'émission a été diffusée le 31 août 1978 avec des extraits d'interviews de Johnny Hallyday. Êtes-vous prêt pour suivre 2 heures d'émission de Johnny Hallyday, Johnny de A à Z, ici sur RIG? Oui. Bon, allez, c'est parti. Musique en avant avec le premier titre de l'album de la semaine, Elle m'oublie. Bonne émission à tous et à toutes. Qu'il est déjà trop tard, elle aura sûrement pris le premier autocar. Et sur la nationale, sur les bords de la Loire, elle voit des paysages, se raconte des histoires. Elle m'oublie, elle m'oublie, elle m'oublie. Ses cheveux blonds serrés dans un chignon mal fait, elle pense à Dieu c'est quoi, le soleil disparaît. Et la nuit va venir, le chauffeur fatigué cherche un vieux restaurant et elle voudra dîner. Et moi je vais passer la nuit dans le jardin à compter les étoiles, ça ira mieux demain. Elle m'oublie. Je lui donne 3 semaines pour tomber amoureuse. Et devant son miroir, elle est déjà heureuse. Elle m'oublie. Elle m'oublie. Elle m'oublie. Il y a un champ de blé affamé quelque part. Le tracteur est cassé, ça fait toute une histoire. Il faudrait bien penser à soigner ce cheval. C'est la fin de l'été, elle m'oublie et j'ai mal. Elle m'oublie. Elle m'oublie. Elle m'oublie. Elle m'oublie, c'est la première collaboration d'une aidée, Didier Barbelivien, auteur-compositeur, donc cette chanson-là. Le 47 tours est sorti le 14 juin 1978 avec en face B, la première pierre. Et le 31 août 1978, Johnny reçoit le prix de l'Académie Charles Cros, décerné par la SACEM pour ce titre. On va retrouver d'ici quelques secondes, Rendez-moi le soleil, extrait de l'album Vie, version 2022. Hallyday by Hallyday. Envoie-moi la musique. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Voici un extrait du Grand Échiquier du 31 août 1978. Johnny qui interprète Gabriel. C'était lors de la tournée d'été. Alors maintenant, vous parlez d'une fille. Une fille que vous connaissez très bien. connaissez même très très très bien. Vous voyez qui je veux dire ? Vous voyez qui je veux dire ? Alors dites-moi son nom ! Comment ? Ouh ! Comment ? Gabriel ! Tu brûles mon esprit, ton amour étrangle ma vie. Et l'enfer devient comme un espoir, car dans tes mains je me consacre le soir. Je veux partager autre chose que l'amour dans son lit. Et entendre la vie et ne plus m'essouffler sous tes cris. Les anges elles sont pas le jour, c'était ma fête pour ça de l'amour. Ouais, j'ai refusé. Johnny et les années 80. Vers le pavillon haut, possible en moto, extrait de l'album Cadillac sorti en 1989, le 15 juin exactement, le jour d'anniversaire de Johnny Hallyday. Revenons à l'album de la semaine qui est Solitude à deux et qui est sorti le 21 juin 1978 et je vous propose d'écouter d'ici quelques secondes le deuxième titre de la face A qui est Salut Charlie. Mais juste avant, interview. Pour avoir une interview de Johnny Hallyday, il faut attendre, il faut presque aller au bout du monde. Parce qu'en général, on me pose toujours la même connerie. On me dit toujours qu'est-ce que vous pensez de ci, qu'est-ce que vous pensez de ça. Moi, je pense à rien, je m'en fous en plus. Moi, tout ce que je demande, c'est de vivre bien, de me marrer, de voir mes copains, de voir les gens que j'aime bien, d'aller au cinéma comme tout le monde, de lire des bouquins, de bien bouffer, de bien boire et puis de m'éclater. T'essayes pas d'entretenir un certain... Alors, j'ai toujours des faux intellectuels qui me disent « Mais si vous n'étiez pas chanteur, qu'est-ce que vous auriez fait ?» Qu'est-ce que j'en sais, je suis chanteur. Si j'avais pas été chanteur, qu'est-ce que j'aurais fait ? Mais j'en sais rien. Alors, tu veux que je réponde à ça ? Ou alors, on me pose des styles de questions, connes, dans le genre... pourquoi vous lisez pas plus ? Pourquoi je lis pas plus ? Parce que sans doute que je n'ai pas envie de lire plus. Et puis j'ai peut-être pas toujours envie de dire ce que je lis. Des fois, si j'ai envie de lire des bandes dessinées, ça regarde que moi. Si j'ai envie de lire Proust, ça me regarde. Pourquoi veux-tu que je le dise ? On me pose toujours des questions cons, alors moi c'est pour ça que je n'aime pas les interviews. C'est fini. Salut Charlie. Baba Laughing Boo. Johnny et les années 60. Très longtemps, j'ai cherché par les rues encombrées de la ville tes grands yeux, ta beauté et ton allure de bonne et gentille, ton sourire. Une fille comme toi, maintenant j'ai trouvé et je vais tout heureux par la ville, cœur joyeux, des projets et du soleil au fond de mes nuits, le sourire d'une fille comme toi. Grâce à toi, mon amour, j'ai enfin du bonheur. Grâce à toi, tous les jours, j'ai plein de chansons dans mon cœur. Tu es là, près de moi, nous vivons tous les deux bien tranquilles. L'avenir nous attend, et j'aurai tout le long de ma vie le sourire d'une fille comme toi. De chansons dans mon cœur, tu es là, près de moi, nous vivons tous les deux bien tranquilles, l'avenir nous attend, et j'aurai tout le long de ma vie le sourire d'une fille comme toi, d'une fille comme toi. On arrive maintenant à l'album, pas l'album de la semaine, mais du moins une chanson originale adaptée pour Johnny Hallyday et qui figure également sur l'album de la semaine. C'est le titre « Je vous la donne ». Et ce titre a été chanté en 1977 par Brownsville Station. Elle porte parfois le titre « She put the light on me ». Et c'est l'un des rares morceaux du groupe qui n'a pas été composé par son fondateur, Cub Coda. Et l'approche gros rock avec son gros son de Brownsville Station est respectée par Johnny qui choisit cette âme lourde pour terminer son album, sauf que la chanson Je vous la donne, on l'écoutera en fin d'émission et on va écouter la version originale de Brownsville Station avec le titre Lady Put the Light on Me. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Johnny en live à Palavas les Flots, c'était le 13 août 1978 avec un titre qui figure dans l'album de la semaine. Solitude à deux, voici le titre La fille du square. Bonsoir. Je suis désolé, mais ce sera falloir que de temps en temps je chante par ici parce que y a des amis qui ne voient pas du tout. Et puis aussi de temps en temps chez vous. Alors j'aimerais vous poser une question à tous ceux qui sont autour là. Est-ce que vous êtes en vacances? Est-ce que vous passez de bonnes vacances? Alors ça, c'est formidable. Vous savez que moi, je suis parti en vacances le 27 juin. C'est-à-dire que le 27 juin, c'était le départ de cette tournée. Car pour moi, partir en tournée, c'est comme des vacances. Vous savez pourquoi c'est des vacances pour moi? Parce que les tournées d'hiver, je vais voir des gens qui travaillent, hein, qui viennent le soir au spectacle. Mais ils travaillent la journée. L'été, je vais voir des gens qui sont en vacances. Et moi, je préfère, moi, prendre des vacances quand les gens travaillent et venir, moi, vous voir quand vous, vous êtes en vacances. Je veux dire également avec amertume que c'est la dernière de cette tournée pour moi ce soir. Nous avons décidé de finir cette tournée à Palavas. Alors pourquoi Palavas? C'est très simple. Ça va faire maintenant 19 ans que je chante. Je ne suis pas aussi vieux que j'en ai l'air. Mais il faut dire que j'ai commencé très tôt. J'ai commencé très tôt avec les filles. Grâce à mon métier, c'est pour ça que j'ai commencé mon métier très tôt. Et c'est un peu ce soir un deuil pour moi et pour mes musiciens de finir ce soir. Mais j'ai voulu pas la base parce que il y a certains moments dans ma vie où ça marchait mieux que d'autres moments et d'autres moments où ça marchait moins bien. À pas la base, ça a toujours marché. J'aimerais vous raconter l'histoire de la première fille que j'ai aimée. J'attendais l'argent, j'attendais la gloire. Ils sont venus un jour sans cri et garde. Ils ont joué mon talent à coups de milliards. Pourtant quelque chose manque à mon histoire. C'est la maintenant. Où est la fille du premier soir qui me disait un jour tu seras un grand musicien? Où es-tu toi, la fille du square? Où es-tu toi qui croyais en moi quand je ne t'ai rien? Ils ont si peur que je craque avant eux pour assurer leur vieux jour. Ils jouent le grand jeu, ils croient que je ne vois rien. crois toujours et quelquefois entends quand revient le jour. Si parfois j'ai le cœur un peu trop lourd, c'est pour la vie du premier soir qui me disait un jour tu seras un musicien. Aurais-tu toi la fille de soir? Toi qui croyais en moi quand je n'étais rien. Pour la vie du premier soir qui me disait un jour tu seras un musicien. Aurais-tu toi la fine espoir? Aurais-tu toi qui croyais en moi quand je n'étais rien? On reste à Palavas les flots avec le titre Joue pas de rock'n'roll pour moi. Souvenir, like you, like you, guys, come and count. ne te sert pas de souvenir. Pendant très longtemps, avec le sourire de la manche penchée sur les lèvres, ma croisée sur le cœur, pleine de tout mon sang, je tournais vers l'horizon, d'où sortent les belles, le dire de la chanson, je tombe loin. Je n'avais plus rien à me dire, je suis plus dur que tu le crois. Le souvenir de titre de Palavas les Flous du 13 août 1978, La fille du square et joue pas de rock'n'roll pour moi. Le 31 août 1978, l'idole et la vedette du rendez-vous télévisé de Jacques Chancel, Le Grand Échiquier, sur la deuxième chaîne. Reportage sur la descente des rapides du Colorado, la tournée 78 et une interview dont vous aurez quelques extraits au cours de cette émission. Et le chanteur interprète de nombreux titres, dont Le Gorille de Georges Brassens. Attends, avec la pudeur, c'est comme elle l'ornier, maman, l'endroit précis. Que heureusement, ma mère m'a défendu de nommer ici. Garde, comme ça, ça me détruit. Je sais que je ne dirais pas pour les enfants la télévision, n'est-ce pas? J'aime pas la télévision. Je crois que la télévision n'amène pas grand-chose à un chanteur. Quand on fait du playback et qu'on fait semblant de chanter comme des singes, sur une musique qui passe, si tu oublies tes paroles, la musique continue avec les paroles, je veux dire, on se fout de la gueule du public. Moi, je suis pas d'accord. C'est faux, c'est truqué. Je suis pas un chanteur de télévision, je suis un chanteur de scène. Et en plus, moi, je suis moins bien à la télévision que sur une scène parce que j'ai pas de public devant moi. Et moi, si tu veux, mon métier, c'est de chanter devant un public. Parce que si tu veux, je correspond avec un public, je m'entends avec eux, je les sens. Nouvel extrait de l'album de la semaine, voici Revoilà ma solitude. Qu'est-ce qu'il m'arrive, mon cœur s'en va. Excellent titre qu'on retrouve sur l'album de la semaine Solitude à deux. Et cette chanson est une adaptation d'une chanson de Kenny Rogers, Sweet Music Man, adaptée par Michel Mallory. Ce titre qu'on retrouvera, Sweet Music Man, un peu plus tard au cours de cette émission. Mais on va retrouver Antoine Decaune et sa rubrique L'Odyssée avec le titre Ça peut changer le monde. L'Odyssée, Johnny Hallyday. En 2007, Johnny quitte Philips, qui fut sa maison de disques depuis 1961, pour une autre, Warner, chez qui il enregistre Le cœur d'un homme, un album de blues qu'il rêvait d'enregistrer depuis des années. Il termine à cette époque une longue tournée intitulée Flashback et annonce que la prochaine sera la dernière. Dans l'attente de ses adieux au Music Hall, 2008 se passe sans show à l'idée. Mais Johnny ne reste pas inactif pour autant. En octobre, soit moins d'un an après Le cœur d'un homme, sort un nouvel album intitulé Ça ne finira jamais. Pour cette nouvelle production, Johnny travaille avec un réalisateur aussi jeune que talentueux nommé Philippe Humaski. Phrase clé se détache de cet album de Johnny publié en 2008. Une phrase extraite de la chanson « Ça peut changer le monde » et qui dit « Quelqu'un te dit je t'aime, ah ça peut changer le monde ». Aller droit au but, d'une manière aussi simple, et ainsi accéder à une forme d'universalité, c'est ce qui caractérise les musiques populaires quand elles sont pratiquées par les meilleurs. Cette formule magique que l'on doit à Didier Golemanas fut évidemment l'un des moments forts du Tour 66, la fameuse tournée d'adieu. Comme si Johnny, avant de s'éloigner du feu des projecteurs, voulait nous laisser un message que d'ailleurs je vous laisse méditer tout de suite. L'histoire reste la même, que l'on ait menti ou non. Certains prennent la peine de se souvenir des noms. L'histoire devient la tienne quand elle te touche au fond. Quelqu'un te dit je t'aime. Oui, quelqu'un te ça va. Peut changer le monde. Ça peut changer le monde. Quelqu'un te dit je t'aime. Ça peut changer le monde. La route est encore longue. Se construire dans la haine ne donne jamais rien de bon. Les blessures nous emmènent sur le chemin du pardon. L'histoire veut qu'on retienne que l'amour. Quelqu'un te dit je t'aime. Quelqu'un te dit je t'aime. Ça peut changer le monde. Ça peut changer le monde. Quelqu'un te dit je t'aime. Ça peut changer le monde. La route est encore longue. Changer le monde. Quelqu'un te dit je t'aime. Ça peut changer le monde. La route est encore longue. Ça peut changer le monde. Ça peut changer le monde. L'Odyssée, Johnny Hallyday. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, salut maintenant. Johnny et les années 60. Oh. Ah. Quel métier fatigant. Je vois comme dans un rêve, c'est tout un monde en couleur. Ce que je vois comme dans un rêve, c'est tout un monde meilleur. À tous les mots que tu me dis là, ils sont bizarres. On torture, ne l'entends-tu pas? Oui, des guitares. Oui, j'entends et je vois des couleurs et des sons. Oui, j'entends et je vois. S'allonge comme une fumée, il flotte dans la nuit. Et tes mensonges sont vérité, je suis au paradis. Tes cheveux si noirs sont un verre lumineux. Oui, c'est étrange. Et tes yeux cruels ont l'air doux et gentils, comme ceux des anges. Oui, j'entends et je vois des couleurs. J'entends et je vois des couleurs et des sons. Ouais, je vois, es-tu réel, des oiseaux de couleur. Je vois, je crois, l'envers du ciel et tes fleurs de douceur. De fumée, de brouillard, enveloppé, j'entends des sons très rares. Psychédélique et Johnny Hallyday en 1967. Revenons à l'album de la semaine qui est Solitude 2, sorti le 21 juin 1978. Et pour le prochain titre, nous allons écouter une adaptation d'un titre de, entre autres, de Richard Cochente et de Pierre Delanoë, du moins adapté par Pierre Delanoë. Et en 1974, en Italie, Bella Senza Anima est extrait de l'album Anima de Riccardo Cochente, qui en grave alors une première version en français, Je t'attendais ce soir. Chanteur à la grosse voix, à la grosse voix rock et forcée, il est aussi un compositeur efficace et place des titres à Sylvie Vartan et Johnny, et notamment avant de s'imposer directement en France avec Le Coup de Soleil en 1979, puis la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Et c'est peut-être ce dernier triomphe qui a donné envie à Johnny de faire prendre l'air du Stade de France à la chanson. Et bien qu'étant l'un des auteurs les plus prolixes de la chanson française, Pierre Delanoë a signé relativement peu de textes destinés à Johnny. Outre celui-ci, on lui doit Le Petit Clown de ton cœur, Derrière l'amour et Un homme comme les autres. Voici une petite session, hein, une minute de session d'enregistrement de Cet homme que voilà, et après on retrouvera la version de l'album Solitude à deux. Hallyday by Hallyday. Envoie-moi la musique. Tu ne le verras plus. Cet homme que voilà, je vais laisser la place. Un jour, quoi que tu fasses, tu feras son malheur. Tu te rappelleras cet homme que voilà. Je connais ton programme, je vois ton avenir. T'asseoir ici et tu vas m'écouter. La femme que j'aimais, tu me l'as fait quitter. Et je suis devenu cet homme que voilà. Et te voilà perdu. Et perdu de remords pour n'avoir jamais su résister à ton corps. Tu ne le verras plus. Cet homme que voilà, je vais laisser la place. Je plains mon successeur. Un jour, quoi que tu fasses, tu feras son malheur. Tu te rappelleras cet homme que voilà. Je connais ton programme. Le voit-on. D'autres mains te réclament, que tu vas faire souffrir tes jolis yeux sans âme.

trop. On devrait t'interdire d'être belle comme ça. Laisse-moi te dire enfin toute la joie. Car pour moi, tu es la peur. Tu es la seule version de 1970. Elle a été enregistrée pendant les sessions d'enregistrement de l'album Vie. Et on la retrouve évidemment dans, sur le fameux remix qui est sorti récemment, tout à fin janvier, dans le commerce. On la retrouve et aussi on l'avait retrouvé, du moins Universal nous l'a fait découvrir ce titre en 2012, hein, dans le coffret Johnny History. On retrouve Johnny Hallyday qui va nous parler de Elvis Presley et puis nous interpréter Loving You. Le rock'n'roll avant que le grand public n'ai jamais entendu un disque américain. J'ai entendu les premiers disques d'Elvis Presley en 1956. Et moi, j'étais un grand fan d'Elvis Presley. C'est lui qui m'a donné envie de faire pas ce métier, parce que ce métier, je voulais le faire, et qui m'a donné envie de faire ce style de musique. Thank you very much. Quand j'ai appris la mort de Presley, ça m'a fait... D'abord, j'y ai pas cru, et puis, si tu veux, ça m'a fait... Ça m'a fait un grand vide. Parce que pour moi, Presley faisait partie un peu de la famille. Et si tu veux, Presley a toujours été présent chez moi. La première chanson d'Elvis Presley que j'ai entendue, que j'ai apprise, mais je n'ai jamais enregistré, je n'ai jamais chanté en public. C'est une chanson. I will spend my loving you, winter, summer, springtime too. Loving you, makes no difference where I go or what I do. You know that I will always be loving just you, and if I'm seen with someone here, lonely blue, don't you blue, I'll be faithful, I'll be true, always true, true to you. There is only one for me, and you. Ah, mais la suite, vous l'aurez ultérieurement, peut-être un jour. On va revenir à l'album de la semaine et avec le titre « Va te cacher », extrait de l'album « Solitude à deux », sorti le 21 juin 1978. Et on revient toujours donc à l'interview que Johnny Hallyday avait donnée pour l'émission « Le Grand Échiquier », présentée par Jacques Chancel, avec une interview sur le show business en France. Je parle du show business en France. Moi, je ne fréquente personne du show business en France. J'aime pas le show business en France. Mais quand je dis que j'aime pas le show business en France, c'est faux d'ailleurs, parce que je n'aime pas le show business en général. Voilà, mes amis ne sont pas des gens du show business. Il y a que Sardou qui est mon ami dans ce métier. Et j'ai pas d'amis dans ce métier. Les gens dans le show business sont en général des gens faux, qui donneraient plutôt de mauvais conseils que de bons. Volontairement, qui sont mesquins. Je crois qu'il y a beaucoup moins de talent aujourd'hui qu'il y en avait il y a 10-15 ans. Et je crois que c'est un peu de la faute des maisons de disques ou des producteurs de disques qui travaillent pour des maisons de disques qui ne pensent pas à la carrière d'un chanteur, car ils s'en foutent que le chanteur se casse la figure un an ou deux ans plus tard. Ils s'en foutent complètement. Eux, ils pensent à vendre un disque ou deux. Alors, ils veulent faire un coup, parce que ou c'est leur maison de disque, ou alors ils sont engagés par une maison de disque, ils veulent se faire bien voir, ils veulent gagner de l'argent. Alors, ils montent un gars, et ils font faire quelque chose peut-être même qui ne lui va pas, qui n'est pas bon pour la suite de sa carrière, pour vendre, pour faire un coup, comme ils appellent, pour faire un ou deux disques. Alors, ils vont en vendre 500 000, 800 000, 1 million même peut-être. Puis le gars, au bout de deux ans, il se casse la figure. Puis le gars, après, qu'est-ce qu'il fait? Parce que tu sais, ce qui est très dur dans ce métier, c'est que quand on a connu la célébrité, le végétariat, la facilité, parce que c'est quand on est connu, c'est quand même un monde facile. T'as toutes les filles que tu veux, t'as tout ce que tu veux, tu demandes quelque chose, on te l'apporte. Ces gars-là, c'est très dur de s'en passer après. Ils ont connu quelque chose de, si tu veux, un rêve, et tout d'un coup, là, on leur enlève tout. Et je suis pas d'accord avec ça. Cache-toi, plante-toi, je ne veux pas que les autres te voient. Ces vautours charognards de l'amour, je le sens déjà, tu tournes que tour. Je te veux, je te veux. Jusqu'au bout de tes doigts, il pourrait te griffer le cœur, t'arracher à l'amour et me voler tes fleurs. Va te cacher, va te cacher. Je ne veux pas te partager. Reste là, ne sors pas. Je ne veux pas que les autres te voient, qu'ils puissent te caresser tes. Et faire des rêves qui jouent leur jeu. Pour moi seul, rien que pour moi, je te kidnapperai, la renfonce sera toi. Ils pourront nous chercher nuit et jour, on ne s'évade pas de la prison de l'amour. Va te cacher, va te cacher. Te vois alors, cache-toi, cache-toi, plante-toi. Je ne veux pas que les autres te voient. Fais retour, charognard de l'amour. Je le sens déjà, te tourne ton tour. Va te cacher, va te cacher. Je ne veux pas te partager. présent, on va retrouver la version originale adaptée pour Johnny du titre « Revoilà ma solitude », soit autrement « Sweet Music Man » par Kenny Rogers. Né en 1938 à Houston, Kenny Rogers est une star de la variété country. Il fut d'abord bassiste de Bobby Doyle Trio dans le style jazz, puis intégra les Kirby Stone 4 et enfin les célèbres New Christine Minstrels. Et en 1967, il fonde First Edition et cartonne avec Just Dropped In en 1968 et Ruby Don't Take Your Love It to Town en 1969, qui par ici deviendra Ruby Je Reviens au Pays par Eddie Mitchell. Voilà. Et solo à partir de 1973, il connaît encore beaucoup d'autres succès comme Sweet Music Man, numéro 44 dans les parades américains en décembre 1977, dont la mélodie exigeante fournit un tremplin parfait au talent de Johnny. Voici la version de Kenny Rogers, Sweet Music Man, autrement dit, Revoilà ma solitude. Listen, and I couldn't see, and all I have left now are words you said to me. Sing your song, sweet music man. Cause I won't be there to hold your hand like I used to. I'm through with you. You're a hell of a singer and a powerful man, but you surround yourself with people who demand so little of you. You touched my soul with your beautiful song. You even had me singing along right with you. You said I need you. Then you changed the words and added harmony, and you sang the song you had written for me to someone new. Nobody sings a love song quite like you do, and nobody else can make me sing along, and nobody else can make me feel that things are right when I know they're wrong. Nobody sings a love song quite like you. Sing your song, sweet music man. You travel the world with a six-piece band that does for you what you ask them to. And you try to stay young, but the songs you sung to so many people have all begun to come back on you. Sing your song, sad music man. You're making your living doing one night stands that prove with you they don't need you. You're still a hell of a singer but a broken man, but you'll keep on looking for one last friend to sing to. Nobody sings a love song quite like you do, and nobody else can make me sing along, and nobody else can make me feel the things are right when they're wrong with a song. Nobody sings a love song quite like you. Sing your song, sweet music man. I believe in you. Ça fait tellement de temps que l'on navigue ensemble. Ça ne finira jamais. Johnny et les années 2010. On a tous un rendez-vous, un destin à l'identique, un soleil entre chien et loup, pour nous donner la réplique. Au bout d'une ligne de fuite, où plus rien ne sert de mentir, avant que la nuit ne s'invite. Ce soir j'ai envie d'écrire une lettre à l'enfant que j'étais. Tout simplement je lui dirai: sache reconnaître l'amour à temps, tu ne le croiseras pas souvent. Une lettre à l'enfant que j'étais, où noir sur blanc je lui dirai: choisis tes rêves avec précaution, tu sais ils se réaliseront. La nuit se déchire à Paris, le quartier de la Trinité renaît lentement à la vie, efface les ombres du passé. Ici le ciel s'obscurcit, en conclusion pour tout dire, sans faux semblant, sans raccourci. Oui, ce soir j'ai envie d'écrire une lettre à l'enfant que j'étais. Tout simplement je lui dirai: sache reconnaître l'amour à temps, tu ne le croiseras pas souvent. Une lettre à l'enfant que j'étais, noir sur blanc je lui dirai: dans tout ce que tu feras sois vrai, reste fidèle à qui tu es. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. On retrouve notre héros Johnny Hallyday au pavillon de Paris, Porte de Pantin, en 1979, avec un extrait de l'album de la semaine. Oui, il figure sur la face B, c'est le premier titre de la face B de ce 33 tours, oui. On va parler 33 tours, oui. Voici la première pierre, ici dans l'émission Johnny de A à Z, sur RIG, mercredi de 22h à minuit. Les chambres des filles sont toujours trop petites. On va retrouver le titre Le Pétrole, extrait d'album de la semaine Solitude à deux, sorti le 21 juin 1978. On va écouter maintenant la session d'enregistrement Le Pétrole, Johnny dans les studios, et de Bien de Biancourt. Et après, une petite question qui est toujours extrait donc du Grand Échiquier de 1978. Johnny, connais-tu bien ton public ? Tout ce que vous avez dit peut se retourner contre vous. Qu'est-ce qui est drôle, hein? Notre seule consolation, c'est que les émirs qui en ont payent la flotte plus chère que le pétrole. Pour notre père qui est aux cieux, le bateau. Je sais. Notre seule consolation, c'est que les émirs qui en ont payent la flotte plus chère que le pétrole. Pour notre père qui est soucieux, le pain quotidien, gardez-le chaque jour. Est-ce que tu me connais bien ton public? Oui, il y a tous les jeunes. Il y a des gens plus âgés aussi qui viennent avec, avec leurs enfants. Il y a ceux qui m'ont connu, qui ont le même âge que moi, qui m'ont connu au début, qui viennent avec leurs enfants maintenant. Il y a plusieurs genres de public. Enfin, il y a un public de toute façon. En général, on a toujours associé un peu, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, le public de Johnny Hallyday aux jeunes voyous. Pourquoi jeunes voyous? Si mon public est voyou, moi je suis voyou aussi. Alors. Y a un pas plein chez mon voisin, c'est la folie qui salit le pétrole. Il marche au fioul, à l'ordinaire, au kérosène ou au super. De toute façon, c'est toujours du pétrole. C'est la benzine ou la gasoline, le plastique ou la paraffine. Ne cherche pas, c'est toujours du pétrole. C'est pas de l'or blanc, c'est de l'or noir, mais ça fait des pétrodollars. Y'a pas que des bidons dans le pétrole. Pas qu'il y en a qui ont des idées, il faudrait voir leur bagnole rouler. S'ils mettent autre chose dans le du pétrole. C'était le désert, rien n'y poussait, c'était en dessous, tout se passait. Le vrai trésor était là, le pétrole. Dire qu'il a changé l'eau en vin pour le vin, y avait du raisin, elle aurait mieux fait de changer l'eau en pétrole. Qu'il soit à voile ou à vapeur, t'auras pas de tigre dans ton moteur si t'as pas de poignant pour le pétrole. Je voudrais bien voir la tête qu'on ferait s'il nous coupait le robinet. On se les gênerait sans le pétrole. Un pétrolier s'est échoué, il en sort une drôle de marée. Tu veux pas te baigner dans le pétrole? T'as qu'à demander aux Bretons si c'est bon et si ça sent bon. Un océan parfumé au pétrole. Oui, notre seule consolation, c'est que les émirs qui en ont payent la flotte plus chère que le pétrole. Notre seule consolation, c'est que

night turns gun metal gray. From an upstairs window, there's a woman scream. A nightmare vision from some junkie dream. An angry fist beating an old steel door. Tell me why you're here, who you're looking for. It ain't easy, but it ain't for long. This place is crazy, tell me where you really belong. It's a rough town, minute of the night and the streets alive. It's a gamble, it's a chance you take. Town, extrait de l'album portant le même titre, le titre éponyme Rough Town, là, il faut le dire. Très bon album de Johnny Hallyday en 1994. Allez, on va retrouver d'ici quelques secondes le dernier album, le dernier extrait de l'album de la semaine. Tout à l'heure, on a écouté par le Brownsville Station Lady Put the Light on Me, et on va écouter la version française de Johnny Hallyday, mais toujours adapté par Michel Mallory. Et pour que vous m'aimiez encore bien plus, je vous la donne, je vous la donne, je vous la donne, donne ma vie, je vous la donne, je vous la donne, je vous la donne, donne ma vie. Pour faire briller les yeux des filles et qu'elles soient folles, et faire un bras d'honneur à mon destin. Au paradis perdu, là où sont mes idoles, le rideau rouge va pouvoir se lever. Je vous la donne, je vous la donne, je vous la donne, donne ma vie. Je vous la donne, je vous la donne, je vous la donne, donne ma vie. route. C'est un petit peu une galère. Une galère, hein? Ça ne sera pas une galère parce que... Well, it's one for the money, for the show. You're gonna let it out, don't can't go, but don't do. Comment tu veux qu'on fasse une galère en tournée comme ça? Ça te manquerait, Stéphane. Ouais. Mais tu sais, même si un jour, même si un jour je me retire, de toute façon, je me retirerai avec ma guitare. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Et pour les deux derniers titres de la soirée, on va retrouver Johnny Hallyday en tournée, notamment à Béziers et puis dans une autre ville de France. Johnny Hallyday à Béziers avec Sylvie Vartan en duo. Nous allons interpréter le titre « It's so easy ». De ce show de l'été. « It's so easy ». Et debout, la poule qui en mesure tape dans ses mains. It's so easy to fall in love. It's so easy to fall in love. People tell me love's a fool. Here I go breaking all the rules. It's so easy. Été 78 avec Johnny et Sylvie. Je pense que s'achève, Sylvie en robe tout à fait des repas, ce grand show de l'été. Pierre Blanc, Jean-Claude Conan, Yves Abraham et Jean-Louis Lafont vont vous remercier d'être restés avec nous jusqu'à donc cette heure très avancée de la nuit puisqu'il est 1h19. Merci aussi aux journalistes qui ont accepté de reculer le flash d'information d'une heure. Marc ? Oui ? Encore quelques notes de musique. Merci à toi pour ce show de l'été. Voilà. Easy to avec nous. It's so easy to fall in love. It's so easy to fall in love. It's so easy to fall in love. It's so easy. Oh, not easy. Yeah, it's so easy. Te saluer. Clameur dans les arènes. Cette fois, me semble-t-il, bien fini. Non, Johnny repart vers le micro. Enlace Sylvie. Il est 1h21. Merci aux journalistes. Mais pas ici, c'est Régé. Non, il est minuit passé de 11 minutes. Retour Johnny Hallyday avec un petit medley rock'n'roll. La mémoire de celui qui, pour moi, et je suis sûr pour vous, restera toujours le king of rock'n'roll. Johnny en tournée en 1978. Comme ça. Oui. Cette émission Johnny de A à Z consacrée à l'album de la semaine Solitude A2 de 1978. Je vous remercie toutes et à tous d'avoir participé et d'avoir écouté attentivement cette émission, on va dire spéciale 1978. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle aventure sur la planète Hallyday. Bonne nuit à toutes et à tous. À bientôt. Ciao, ciao.